Le vendredi 20 janvier, ici Dominique Lelièvre et les informations. Et c'est officiel, Donald Trump est le 45e président des États-Unis d'Amérique. Monsieur Trump a prêté serment à midi très exactement devant des dizaines de milliers de personnes rassemblées devant le Capitole à Washington. Monsieur Trump a conclu il y a une dizaine de minutes son discours inaugural en promettant de redonner au peuple américain le pouvoir. This moment is your moment. It belongs to you. Today, we are not merely transferring power from one administration to another, but we are transferring power from Washington, D.C., and giving it back to you, the people. C'est votre journée. Cette journée vous appartient, a mentionné Donald Trump. Cette journée est spéciale parce qu'on transfère le pouvoir de Washington vers les citoyens. C'est ce que mentionnait à l'instant M. Trump, qui a salué le travail de Barack Obama avant de promettre de mettre fin à l'influence des élites et de tourner son administration vers les préoccupations du peuple américain. Il a aussi promis de protéger les frontières et de créer de nouveaux emplois pour la classe moyenne. Mentionnons que cette cérémonie se déroule sous haute surveillance tandis que des milliers de manifestants descendent dans les rues de Washington et de plusieurs villes américaines pour faire opposition à M. Trump. La tension est palpable à Washington entre les opposants et les quelques 28 000 policiers qui sont déployés pour l'occasion. Sur place, les journalistes rapportent du grabuge sur la voie publique, des vitres cassées, mais aucun incident majeur à déplorer pour le moment. À Québec, tout est en place au théâtre Périscope pour un lancement des travaux de réfection au printemps. Selon le quotidien Le Soleil, le gouvernement fédéral est sur le point d'annoncer une aide financière pour permettre la réalisation des travaux jugés urgents dans l'édifice de la rue Crémazie. Le coût total des rénovations s'élève à 3,5 millions de dollars. Les travaux touchent à de nombreux aspects du bâtiment qui a été construit dans les années 40, rappelons-le, ce qui inclut la réfection de la toiture, le remplacement des falaises, ou encore l'amélioration de l'acoustique dans les deux salles de spectacle. Enfin, scène provinciale, le premier ministre Philippe Couillard dit non aux médecins spécialistes qui voulaient changer d'interlocuteur dans le dossier des frais accessoires. Depuis le Forum économique mondial qui se déroule à Davos, en Suisse, M. Couillard a fait savoir que les négociations devaient impérativement se faire avec le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, et non le nouveau président du Conseil du Trésor, Pierre Moreau, comme le souhaitait la Fédération des médecins spécialistes. Soleil, pluie, neige, vent, tempête, météo. C'est généralement nuageux aujourd'hui. Les températures sont stables à près de zéro. Et pour la fin de semaine, d'abord demain samedi, des nuages également, un maximum de 1 degré. Dimanche, alternance de soleil et de nuages avec moins 1 degré. Et lundi, pour démarrer la prochaine semaine, ce sera ensoleillé avec moins 3 degrés. Présentement à Québec, c'est des nuages et on a 0 degré.